Petit matin sans horizon, petit café fumé d'usine, je regarde le derrière des maisons, les femmes sont à leur cuisine, il y a des oiseaux qui se font la cour sur les fils du bel téléphone, et dans l'œil crevé de ma cour un 747 qui résonne. Il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut un chêne. Sur la vitre, je trace un cœur que la buée retient à peine. Le transistor hurle à la mort, des airs à faire pendre un merle. Les enfants s'amusent dehors, dans la slush, un collier de perles. Au hasard, j'ouvre le journal, crime passionnel, rue Lacordaire. Paraît que ça va de plus en plus mal pour les chanteurs de pommes de terre. Paraît aussi que le président s'amuse à jouer à la roulette. Entre deux annonces à la page 100, avec ce qui reste de la planète. Moi je m'en viens à mon piano, je trouve cet air de ma grand-mère, et pour les mots je mets le phono de mon petit matin solitaire. Dommage que ce soit si gris, j'aurais voulu dire autre chose, faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses, avant de rechanter les roses. Que ce soit si gris, j'aurais voulu dire autre chose, faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses, avant de rechanter les roses.